بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc la troisième partie dans l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le chapitre de Kitab al-Nikah, le chapitre au sujet du mariage. Donc j'ai écrit qu'on était au quatrième, mais au troisième, mais c'est le quatrième. Je me suis trompé, on est. Attendez. Attends, ça c'était le 1, ça c'est le 2, donc c'est le 3, c'est ça. Ok, donc on commence, inshallah. Le Cheikh il dit والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها. فيكون النكاح هو donc il va expliquer chaque cas. Donc, il dit premièrement, il faut savoir qu'en ce qui concerne le verdict de la charia par rapport au mariage, c'est qu'il peut rentrer dans les cinq différents verdicts de la charia. Vous savez que dans la charia, il y a cinq ahkam général. Il y a, qu'est-ce qui est wajib, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est mustahab, c'est-à-dire qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est mubah, c'est-à-dire c'est ni ordonné ni interdit, c'est-à-dire c'est permis, hein, de façon générale. Et qu'est-ce qui est makruh, c'est-à-dire détestable, et qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit. Et ici, le cheikh, il mentionne que le mariage, il peut rentrer dans quatre de ces différentes catégories-là. C'est-à-dire qu'il peut parfois être obligatoire pour certaines personnes, il peut parfois être recommandé pour certaines personnes, il peut être parfois juste permis, ni ordonné, ni interdit, et il peut même parfois être interdit dans certains cas, et parfois il peut être déconseillé ou détestable pour certaines personnes. Donc on va lire qu'est-ce que le cheikh il explique et dans quel cas pour chaque catégorie, dans quel cas c'est obligatoire ou détestable ou interdit ou recommandé selon le cas de la personne. Donc il dit فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وقال غيره يكون أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع وقالوا ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه وقال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول لأن الله وعد عليه الغنى بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء وزوج رجلا لم يقدر على خاتمة من حديد. Donc le cheikh il explique que le mariage peut être obligatoire. Et dans quel cas est-ce que ça devient obligatoire le mariage pour une personne? C'est lorsque cette personne craint pour elle-même de tomber dans l'adultère, dans la fornication ou dans l'adultère, si elle ne le fait pas. Donc dans ce cas-là, ça devient obligatoire pour lui et c'est un moyen pour lui de garder sa chasteté et de se préserver de tomber dans ce qui est haram. Et par rapport à cette situation-là, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, si la personne a besoin du mariage et qu'il craint de tomber dans le péché s'il le délaisse, alors il doit donner précédence au mariage sur le hajj obligatoire. D'accord? Donc supposons quelqu'un il a de l'argent. Il dit, bon, j'ai de l'argent, je peux faire mon hajj obligatoire ou j'ai le choix de me marier. Il donne précédence s'il est arrivé au point où il craint qu'il va tomber dans l'adultère, que c'est une obligation pour lui. Dans ce cas-là, il donne précédence au mariage sur le hajj obligatoire. Et ça, c'est une explication de Ibn Taymiyyah. Il dit, et d'autres également parmi les savants ont dit que dans ce cas-là, le mariage pour lui sera meilleur que de faire un hajj surérogatoire ou une salat ou un jeûne surérogatoire. Et dans une autre parole, parmi les paroles des ulama qui ont dit, il n'y a pas de différence dans pour ce cas-là entre la personne qui a la capacité de dépenser ou de payer pour s'occuper de sa femme et celui qui n'en a pas la capacité. Hein, c'est-à-dire que même s'il n'a pas les moyens de se marier, ça devient une obligation pour lui. Et il dit que Ibn Taymiyyah, Cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, il dit que ça c'est la parole, le sens apparent de la parole de l'imam Ahmad et de la plupart des savants, qu'ils ne prennent pas en considération la capacité économique ou financière dans ce cas-là, parce que Allah a garanti et il a promis à celui qui est pauvre, qui veut se marier pour se garder chaste, qu'il allait l'enrichir. Hein? Qu'il allait l'enrichir. Dans le verset 32, dans Surat An-Nur, il dit « In yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi » S'ils sont pauvres, Allah va les enrichir de sa grâce. Et donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait le matin, il n'avait rien. Il n'y avait rien à manger, hein, ni pour lui ni pour ses femmes. Et parfois il se couchait le soir, il n'avait rien à manger non plus. Et malgré tout il était marié et il s'occupait de sa famille selon sa capacité. Et le cheikh il dit également que un homme a été marié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une femme et il n'avait même pas un anneau de fer à donner comme mahr pour la femme. Donc il l'a marié, puis le mahr pour cette femme c'était qu'il allait lui apprendre qul huwallahu ahad. Hein? Il n'avait rien d'autre à lui donner comme cadeau de mariage. Donc ça c'est dans une situation comme ça. Hein, on ne tient pas compte de la capacité financière, c'est-à-dire on doit aider cette personne-là à se marier, et même s'il faut lui donner de la zakat pour qu'il puisse se marier, parce que là c'est quelque chose d'encouragé, parce que c'est un bien et ça va le préserver, hein, de tomber dans le péché, et ça va l'aider à garder sa chasteté. Et ça y compris aussi les jeunes, les adolescents, quand un parent par exemple il a son fils qui est arrivé à l'âge de la puberté ou l'âge du mariage, et puis qu'il n'a pas les moyens, eh bien, son père, pour éviter que son fils tombe dans la fornication ou dans le péché, hein, ou bien sa fille, eh bien, de chercher à le marier et à l'aider à se marier aussi, pour être capable justement de le préserver. Parce que malheureusement, beaucoup de parents, ils disent à leurs jeunes, ils disent à leurs enfants, vous êtes trop jeunes pour vous marier, hein. Mais ils ne voient pas le mal à ce que leurs fils ou leurs enfants tombent dans la fornication, puis commencent à fréquenter des filles en dehors du mariage, à tomber dans le péché. Hein? Non, c'est pas grave, laisse-les. Hein? Et il y a même des mères parfois inconscientes par rapport à ça qui disent ah ben c'est tant pis pour les filles des autres. Hein? C'est-à-dire eux ça leur dérange pas que les filles des autres se fassent agresser ou bien se fassent déshonorer par leur fils, mais hein, du moment que c'est pas leur fils, ça les dérange pas. Donc ça c'est pas correct. Hein? Le cheikh il dit ensuite: ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء. Il est recommandé de se marier pour la personne qui ressent le désir de se marier, hein, malgré qu'il ne craint pas de tomber dans le zina pour lui-même. Et la raison pourquoi ça reste quand même recommandé dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a des grands bienfaits dans le fait que les hommes et les femmes se marient. D'accord? Donc, ça reste quelque chose de recommandé si quelqu'un en ressent le désir, même s'il ne craint pas de tomber dans le péché par rapport à ça. Et une chose aussi qui est importante à mentionner par rapport à ces questions-là. Des fois, il y a des jeunes qui viennent puis qui disent « Moi, je veux me marier, tu vois. » Puis, ils insistent beaucoup. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un il n'est pas capable de se marier ou qu'il ne trouve pas de femme pour se marier ou bien qu'il n'a pas la capacité de se marier, il doit, dans des situations comme ça, essayer d'éviter de regarder ou de voir des choses qui vont attiser son désir et son envie. Hein? Donc si par exemple la personne a dit j'ai pas les moyens de me marier, je peux pas me marier. Puis en même temps, elle attise ses désirs en regardant des choses illicites, hein, et en regardant des images, que ce soit des images sur Internet ou de en regardant des femmes dehors, des femmes qui sont pas voilées. Puis après ça augmente ses désirs. Puis après, il dit, faut que je me marie, j'arrive plus à me retenir. Ben, c'est comme si la personne, elle joue avec le feu, hein. Comment tu peux agir comme ça, puis après tu dis, j'ai pas le choix, il faut que je me marie, j'arrive plus à me contrôler. Cesse de regarder ces choses-là, retiens-toi de ce qui est haram, préserve tes yeux, baisse ton regard, ça va être plus facile pour toi, hein, de résister à tes désirs et à tes pulsions, hein, puisque le genre de personne qui agit comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui disons, encourage en lui-même le désir et la fitna, hein, la fitna des femmes. Le cheikh, il dit ensuite, par rapport au cas de la personne pour qui le mariage, il est ni ordonné ni interdit, c'est qu'est-ce qui est mubah. Il dit, وَيُبَاحُ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ وَالْمَيْلِ إِلَيْهِ كَالْعَنِينِ وَالْكَبِيرِ وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح وهو إعفافها ويضر بها. Donc il dit, dans le cas où le mariage devient mubah, c'est-à-dire il n'est pas ordonné, il n'est pas interdit, c'est lorsque la personne ne ressent pas le désir ni le penchant vers le mariage. Comme par exemple la personne qui est âgée, ou bien la personne qui n'est pas attirée par les femmes. Dans ce cas-là, ça peut être détestable même pour cette personne de se marier, parce que ça fait en sorte que la femme, elle va pas obtenir de son mariage le but, le vrai but pour lequel on se marie, c'est-à-dire de pouvoir préserver notre chasteté en assouvissant nos désirs et nos envies. Donc la femme, elle va rester avec cet homme qui la néglige et qui la délaisse sur le plan de ses besoins et sur le plan de ses désirs sexuels. Elle va pas être satisfaite, et lui, étant donné qu'il n'a pas de désir ou de tentation ou de penchant vers elle, il va la négliger, il va la laisser. Peut-être qu'à cause de ça, elle va être poussée à tomber dans le péché, hein. Donc ça peut être détestable pour ce genre de personne, même dans certains cas, de se marier, comme le cheikh il l'explique ici. Tu parles de dhihar. Non, ça, je pense pas que ça a rapport avec ce genre d'exemple-là. Ça, c'est quelque chose de... C'est comme il y a des gens pour qui ils n'ont pas d'attirance, ou ils n'ont pas leur pulsion et sont très très faibles. Donc ils n'ont pas une grande libido, hein, comme on dit aujourd'hui. Alors à cause de ça, disons qu'ils délaissent leur femme pendant des longues périodes sans avoir des rapports avec elle, puis ça nuit à la femme, parce qu'elle aussi, elle a ses envies et elle a ses besoins. Donc s'il la néglige à cause de ça, donc ça c'est tort. Il y a des hommes comme ça, malheureusement, hein. Leurs femmes, elles sont insatisfaites parce que ils n'assouvissent pas leurs besoins, et ils pensent que c'est pas grave, hein. Oui, parce qu'ils pensent juste à eux-mêmes. Même des fois, il y en a parmi les maris qui vont avoir des rapports avec leur épouse, qui ne pensent que à satisfaire leur plaisir à eux. Une fois qu'ils ont atteint leur plaisir dans leur rapport avec leur femme, la femme, elle n'a même pas encore arrivé à son but, puis il la laisse, hein, en plein milieu, comme on dit, sans avoir satisfait son désir. Donc les ulama de l'islam, ils ont dit non, si un homme il a des rapports sexuels avec sa femme et que lui il a atteint son objectif, il a atteint son but, eh bien il doit continuer jusqu'à ce que sa femme aussi ait atteint son but, pour qu'elle aussi soit satisfaite. Et on sait qu'il y a une sadaqa dans ça, pour la femme et pour l'homme, hein. Donc l'homme, il doit pas être égoïste à penser juste à son propre plaisir, hein, et d'atteindre son but, puis après il laisse sa femme insatisfaite. Ça, c'est pas correct, d'accord. Ensuite, le cheikh il dit ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار حرب حربيين دار كفار حربيين لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم ولأنه لا يأمن على زوجته منهم. Le cheikh il mentionne un cas ici, dans le cas où un musulman est dans un pays de kufr où les kuffars sont en guerre contre les musulmans. Il dit que dans ce cas-là, c'est interdit de se marier à cause du danger qu'il risque de faire subir à ses enfants, du danger que les koufars les enlèvent, hein, ou leur prennent ses enfants, et aussi du fait qu'il n'aura pas de sécurité par rapport à sa femme vis-à-vis d'eux. Donc ça, c'est dans des cas de guerre. Hein, ça, c'est un exemple que le cheikh a cité ici. Ensuite, il dit ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالها فلعله يطغيهن وانكحوهن للدين. Le cheikh il dit, il est recommandé de marier la femme qui est religieuse, qui est chaste, qui a une bonne origine, dans le sens qui est une bonne origine, c'est-à-dire d'une bonne famille, hein, une femme d'une bonne famille. Comme c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on épouse la femme pour quatre raisons. Pour son argent, pour ses biens, pour son argent, pour sa lignée, hein, son statut social ou bien sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Et il a dit accroche-toi à celle qui a la religion, sinon malheur à toi, hein? Et ce hadith là les ulama ils l'ont expliqué en disant que si tu vas demander une femme en mariage, demande en premier à propos de sa beauté, demande à propos de sa richesse, demande à propos de sa noblesse en premier, hein? Puis après ça tu demandes en dernier à propos de sa religion. Comme ça, si tu, par la suite, on te dit, tu dis, est-ce qu'elle a de l'argent? On te dit non. Hein? Si tu la refuses, ce sera pas à cause de sa religion. Mais si tu demandes à propos de sa religion en premier, hein, puis qu'on te dit oui, elle est une bonne croyante, une bonne religieuse, puis qu'après que tu la vois, hein, et que, ou bien que tu saches qu'elle a pas d'argent, tu la refuses par la suite, là ce sera comme si, hein, tu l'as refusé malgré qu'elle avait une bonne religion. Donc c'est comme si t'as mis l'argent ou les autres choses comme une raison secondaire. La religion tu l'as mis en dernier, hein? Donc tu demandes pas à propos de la religion en premier, parce que si tu refuses la femme par la suite malgré qu'elle a la religion, ça va être comme si tu l'avais rejetée en premier à cause de sa religion, alors que tu savais qu'elle était une bonne croyante, une bonne pratiquante. Donc ça fait partie des exemples. Et il n'y a rien de mal à ce que quelqu'un épouse une femme qui est belle, ou qui est riche, ou qui est noble, mais de prendre en considération en premier, ou donner plus d'importance à sa religion. Et l'autre hadith que le cheikh a mentionné, qui est rapporté par Ibn Majah, selon Abdullah ibn Amr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'épousez pas les femmes juste pour leur beauté. Peut-être que yani parce que la beauté déjà en premier c'est pas quelque chose qui reste pour toujours, hein? C'est-à-dire la femme elle peut être très très belle, mais tôt ou tard elle se fane, hein, comme on dit, ni à cause de sa religion ni à cause de son argent, parce que si tu l'épouses pour son argent, peut-être que ça va la rendre arrogante et elle va transgresser contre toi, mais épousez-les pour leur religion. Parce que si la femme elle est pieuse et qu'elle est croyante, eh bien, ça va faire en sorte qu'elle va avoir un bon comportement envers son mari et qu'elle va bien le traiter. Même si elle est riche, elle va être modeste. Même si elle est belle, elle va pas être fière. Hein? Elle va savoir comment se comporter et respecter son mari. Il dit وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى اخْتِيَارِ الْبِكْرِ فَقَالَ لِجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ لِمَا فِي زَوَاجِ الْبِكْرِ مِنَ الْأُلْفَةِ التَّامَّةِ حَيْثُ لَمْ يَسْبُقْ لَهَا التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة. Le cheikh il explique aussi que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé, c'est d'épouser une fille vierge. Pourquoi? Bon, premièrement, il mentionne le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Puis Jabir, c'est un parmi les Ansar, parmi les musulmans de Médine, et son père était mort dans une des batailles, je pense que c'est la bataille de Uhud, si je ne me trompe pas. Et il avait beaucoup de sœurs. Hein? Donc étant donné que son père était mort, il est resté lui à s'occuper de ses sœurs. Et donc quand il a cherché à se marier, il a cherché à se marier avec une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit... Hein, j'ai appris que tu t'es marié. Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu as marié une femme vierge, hein, ou une femme qui est mariée, qui a déjà été mariée avant, ou qui est veuve ou divorcée. Parce qu'il a dit, je t'encourage d'épouser la fille vierge, hein, parce que tu peux t'amuser avec elle et elle s'amuse avec toi. Et yani. Le compagnon Jabir, il a répondu en disant que non, parce que moi j'ai beaucoup de sœurs, donc j'ai trouvé que si je mariais une fille comme à la même âge que mes sœurs, ou bien qui est comme mes sœurs, elle va pas savoir bien s'occuper d'elle. Tandis que si j'épouse une femme qui est divorcée, ou bien une femme qui a déjà été mariée dans le passé, qui a de l'expérience, eh bien elle va en même temps être comme une mère pour elle. Et elle va être capable de s'occuper d'elle bien. Alors, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé, hein, de marier la fille vierge, parce que c'est quelque chose qui encourage qu'il y ait plus d'affection et plus de connexion entre les deux, le mari et la femme. Puisque elle n'aura pas eu d'expérience précédente, ou des souvenirs d'un mari précédent, à qui elle pourrait être encore attachée. Hein, donc son attachement à son mari il est complet, tandis que si c'est une femme qui a déjà été mariée auparavant, eh bien à cause des souvenirs de son mari précédent, si c'était un bon mari, hein, eh bien elle aura toujours un attachement envers lui. Hein? Et un exemple aussi de ça, c'est par contre le cas où la femme elle avait un mari avant mais qui la traitait mal ou qui avait été un mauvais mari pour elle, et que toi tu agis avec elle avec un bon comportement, eh bien ça peut être aussi une bonne chose d'un certain cas, parce qu'elle va voir une bonne image, elle va même peut-être voir qu'il y a du bien quand même, elle va oublier les mauvaises expériences qu'elle a connues, ou bien ça va la faire apprécier le mariage plus. Tout ça pour dire que selon le cas de la situation, comme pour Jabir, lui il a préféré une femme qui était déjà mariée avant, qui a été divorcée, tandis que en général, qu'est-ce qui est préférable, c'est d'épouser une fille qui est vierge. Comme ça, Yanni, c'est à toi de lui montrer un bon comportement, un bon exemple, pour que justement cette femme-là elle prenne de toi, elle gagne de toi, puis que tu sois pour elle un bon compagnon dans ta vie. Hein? Donc ça, c'est intéressant. Puis tu peux t'amuser avec elle parce qu'elle est plus jeune, tandis qu'une femme plus âgée, c'est un petit peu différent. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que ça c'est plus chez les chrétiens. Parce que c'est les chrétiens qui interdisaient, l'Église catholique qui interdisait aux gens d'avoir des rapports sexuels pour autre raison que pour avoir des enfants. Alors que dans l'islam, c'est pas seulement pour avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est un des buts parmi les plus importants. Mais en même temps aussi, le musulman, quand il fait des rapports sexuels avec sa femme, il est récompensé par Allah parce qu'il offre du plaisir à sa femme et elle lui donne du plaisir aussi. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, « وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً » Dans le fait d'avoir des rapports sexuels avec votre femme, vous avez une sadaqa. Et les sahabas ont dit, يعني أَيَأْتِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ قال أليس إذا وضعه في حرام كان عليه وزر قال كذلك إذا وضعه في الحلال كان عليه أجر. C'est-à-dire, les sahabas ont dit, ô messager d'Allah, quelqu'un il satisfait son désir et il va être récompensé en plus pour ça. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que s'il avait satisfait son désir dans qu'est-ce qui est haram, il aurait un péché. Donc de la même manière, s'il le fait dans le halal, il aura une récompense. D'accord? Donc ça c'est ce qui montre que le but du rapport intime avec la femme, c'est un des buts, c'est sûr que c'est d'avoir une famille et c'est d'avoir des enfants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Donc, vos épouses sont comme un champ pour vous. Alors, labourez vos champs comme vous voulez. Donc, c'est sûr qu'un des buts des rapports intimes, c'est d'avoir des enfants, puisque lorsqu'un cultivateur laboure son champ, c'est pour avoir des fruits. Hein? Et le fruit du labour de l'homme avec sa femme, c'est d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas le seul but ou la seule raison. Il y a d'autres choses qui viennent avec aussi. Hein? Et donc aussi, le cheikh dit « وَيَسُنُّ اخْتِيَارُ الزَّوْجَ الْوَلُودِ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مِنْ نِسَى يُعْرَفْنَ بِكَثْرَةِ الْأَوْلَادِ » لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » رواه النسائي وغيره. وجاء معناه وجاء بمعناه أحاديث. وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لحمل مسؤوليته. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر لأنهم أحوج إليه من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. والباء قيل هي الجماع، وقيل هو مؤن النكاح، ولا تنافي بين القولين، لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. وقوله أغض للبصر أي أدفع العين المتزوج أو نعم أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية. وقوله أحصن للفرج أي أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة. ثم قال: ومن لم يستطع أي لا يقدر على النكاح ومؤنه فعليه بالصوم أي يتخذ الصوم علاجا بديلا، فإنه له وجاء أي يدفع الشهوة ويجنبه خطرها، كما يقطع الوجاء وهو الاختصاء، لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين أو بأمرين مرتبين، الأمر الأول الزواج عند المقدرة عليه، والثاني الصيام لمن لم يقدر على الزواج، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدراج الخطر، وهذا كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، إلى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Donc je vais traduire maintenant tout ce passage là. Le cheikh il explique que le mariage peut être le verdict ou le jugement du mariage peut être différent selon l'état de la personne et sa capacité physique et économique à pouvoir se marier, et disons le fait qu'il soit prêt à supporter les responsabilités qui sont reliées au mariage. Parce que beaucoup de jeunes, ils veulent se marier, mais parfois ils ne sont pas prêts à prendre les responsabilités qui viennent avec le mariage. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de jeunes, parfois, ils se marient, puis ils finissent par se divorcer rapidement, parce que ils ont pensé à certaines choses par rapport au mariage, mais ils n'ont pas pensé à tout. Ils n'ont pas regardé, par exemple, toute la responsabilité qui vient avec le mariage. Et la responsabilité qui vient avec le mariage, elle est lourde. Hein? Il ne faut pas penser que le mariage, c'est que du plaisir. Hein? Dans le mariage, il y a effectivement des lourdes responsabilités que le mari doit prendre en considération, de prendre soin de sa femme, de s'occuper d'elle économiquement, de ramener ce qu'elle a besoin. Et lorsqu'il va avoir des enfants, il doit prendre soin aussi d'eux. Et donc tout ça, c'est des responsabilités et des charges sur le dos de l'homme et du père. Donc il ne faut pas penser au mariage comme juste comme si c'était une partie de plaisir. C'est pour ça que les koufars, ils aiment des relations hors mariage, parce que en général il n'y a pas de responsabilités qui sont attachées à ces relations là hein? Ils ne veulent que la fête et le plaisir, d'accord. Et aussitôt que il tombe enceinte ou la fille tombe enceinte, il court pour aller se faire divorcer, pour se faire avorter, pardon. Pourquoi? Parce que ça gâche le plaisir, ça gâche la fête, hein? Parce qu'ils ont dit, on a eu un enfant, c'est un accident, il faut l'éliminer cet accident-là. Donc ils vont aller pour l'avorter. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est à cause du manque de sérieux et du manque de conscience de la responsabilité qui vient avec le fait de se marier. Puis justement le musulman, quand il se marie, il s'engage à prendre ses responsabilités envers sa femme, et pas juste à prendre la femme pour avoir une satisfaction de ses désirs sexuels, puis après ça il se sauve en courant. Donc le cheikh il dit, وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il a encouragé les jeunes à se marier d'un âge le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin encore plus de se marier que les autres, puisque c'est à l'âge de l'adolescence que les désirs sont les plus grands et sont les plus élevés. Donc à ce moment-là, c'est encore plus nécessaire pour eux de pouvoir se marier, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux jeunes, ô vous assemblée de jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité, alors qu'il se marie, car cela va l'aider à baisser son regard de ce qui est haram et à préserver ses parties intimes, hein? Et il dit, et celui qui n'est pas capable, alors qu'il jeûne, car cela sera pour lui une protection, hein? Ce sera pour lui une protection. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres également. Et Al-Ba'a dans le hadith, c'est-à-dire la capacité, c'est soit la capacité sexuelle, dans le sens qu'il va avoir la capacité de faire les rapports avec sa femme, et deuxièmement, la capacité économique de prendre les charges du mariage. Et le cheikh dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux significations, ou entre les deux interprétations, que ce soit la capacité physique ou la capacité économique, les deux sont impliqués et sont sous-entendus ici. Et le cheikh il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça aide à baisser le regard, c'est-à-dire que ça va te, quand tu es marié, tu te sens quand même assez satisfait, Hein? Donc, étant donné que tes désirs sont assouvis, tu ne vas pas être porté autant à regarder les femmes étrangères et à regarder les autres. Parce que tu te sens comblé d'une certaine manière. Donc, ça t'aide à baisser le regard vis-à-vis des autres femmes. Et également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça t'aide à préserver tes parties intimes. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que ça va te préserver de tomber dans la turpitude. Et il dit, celui qui n'est pas capable de se marier, alors qu'il jeûne. Et le cheikh, il dit donc que ça, c'est un remède, hein, de prendre en échange du mariage, si quelqu'un n'est pas capable, il va jeûner, parce que le fait de jeûner, ça va le préserver, ça va diminuer son désir. Parce que quand quelqu'un jeûne, quand il est dans un état de jeûne, étant donné qu'il ressent la faim et la faiblesse, il ne pense pas à ce moment-là à avoir du plaisir et aux femmes ou des choses de ce genre, ou bien ça diminue, ou bien ça casse sa passion, son désir à ce moment-là. Donc, ça augmente en lui la crainte d'Allah et la piété. Et c'est un des buts du jeûne, justement. Comme Allah, il le dit dans le verset, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez vous préserver d'Allah et de son châtiment, donc avoir la taqwa. » Et il dit dans un autre verset, « Et que vous jeûniez est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. » Et donc, l'ordre d'affronter les désirs par les deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans son hadith, la première, c'est de l'affronter par le mariage, hein, parce que lorsque tu vas te marier, tu vas être capable de préserver tes parties de qu'est-ce qui est haram. Et la deuxième chose, c'est le jeûne. Puisque si tu n'es pas capable de te marier, eh bien le fait de jeûner, ça va aider à te contrôler et à préserver tes désirs, te préserver du péché. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Sourate An-Nur, le verset 33 qu'on a lu tantôt, et mariez les jeunes garçons d'entre vous et les pieux de vos serviteurs, mariez les orphelins d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves et vos serviteurs. Si ils sont pauvres, Allah va les enrichir de sa grâce. Et à la suite de ça, Allah il dit, et s'ils recherchent la chasteté, lorsqu'ils ne trouvent pas de mariage, Allah va les enrichir, jusqu'à ce que Allah les enrichisse. Donc ils cherchent la chasteté jusqu'à ce qu'ils trouvent un mariage. Ou non, ceux qui ne trouvent pas de mariage, qu'ils restent chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse de sa grâce. Oui, c'est ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Donc je sais que le cours il est pas long aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que on a fini cette section. On rentre par la suite dans un autre sujet. Le prochain cours, inshallah, on va parler de ahkam al-khitba. Ahkam al-khitba. Le khitba, il y a une kasra sous le kha. C'est pas le khutba, c'est le khitba. Et al-khitba, c'est la demande en mariage. C'est lorsque quelqu'un va pour demander la main d'une femme. Les gens, ils ont, dans certains pays, les gens appellent ça par différents noms. Certains, ils disent al-muqabala. Al-muqabala. Muqabala, ça veut dire une entrevue, hein, en arabe. Donc, c'est pas le terme shar'i, le terme légal pour ça. Le vrai terme dans la sharia, c'est al-khitba. Hein? Donc c'est ça. Ça, c'est le sujet dont on va commencer à parler au prochain cours, inshallah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.